Des Hélène, j'en ai connu beaucoup. Des Angel, j'en ai connu beaucoup. Des Sarah, j'en ai connu beaucoup. Des comme toi, je n'ai connu que ça. Et je ne pense pas que ça soit toi qui va changer tout ça. Des filles qui me snobent, j'en ai connu beaucoup. Des filles en robe, j'en ai connu beaucoup. Qui me disent qu'elles m'aiment, j'en ai connu beaucoup. Puis qui ne sont plus là, j'en ai connu beaucoup. Et je ne pense pas que ça soit toi qui va changer tout ça. Des Hélène, j'en ai connu beaucoup. Des Angel, j'en ai connu beaucoup. Des Sarah, j'en ai connu beaucoup. Des comme toi, j'en ai connu beaucoup. Et je ne pense pas que ça soit toi qui va changer tout ça. Petite Diane, petite Diane.